J'arrive, j'arrive, roue arrière, cross volée. Trop d'humeur, go valet. Les barrières envolées, la paix pour la vallée. Fidèle mais pas valet, loyauté n'est pas faite pour être violée. Laisse-les avaler. Aucun avis mais ça commande. Ça ne peut finir mais ça commence. Ça redemande, on recommence. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal? Et qu'est-ce que tu me recommandes si ça revient, qu'est-ce qui est mal? Écouté par l'oreille, trahi par la boca. Confiance comme Maloka, fera dans le ciel Maloka. Qui est la voix, qui est l'écho? Pas les couilles, ton mytho. Un déteste de micro, tout pour la Honda comme Miklo. Toujours en flux tendu, œil ouvert comme Fendi. Car des gars n'arrêtent les balles, même pas Edouard Mendy. Je dis ça, j'ai rien dit, vite grandir comme MJ. Tryhard lundi, lundi, la gêne est Warren G. Arra descendre 24-7, c'est fuck la bopée. Les trop près du trop peu, c'est le prix que tropé. En détente 47, j'allume un gros P. Elle est caliente, elle veut descendre, on va dropper. Resserre-nous, c'est mou, pas de règles que des codes, c'est tout. Pas dans la mode c'est nous. Jamais sans blanc, jamais sans gants, jamais sans gain. Un 3-5-9, trop d'été sanglant, sans frein. J'ai senti l'audi ce soir. Je fais mon tour dans la ville. J'ai fait des TP dans le froid. Fais cavaler les civils, pensant j'ai de rester moi-même. Malgré les salopes et les montants, je me lève, je suis en pétard devant ma tête. Je me lève en pétard, je roule un pétard. C'est pour ceux qui ont pas de viol dans leur casier. Ceux à qui les policiers demandent plus leurs papiers. On veut pas les miettes du tiroir caisse. C'est le Z, le J, appelle la PJ, pas les pompiers. On est là pour en prendre des finances en finesse. Tu collabores, on obtient le silence en vitesse. J'écoute et pas écouter ce que les parents disent. Des missionnaires, des business pour qu'on arrondisse. Mais pour choquer, nous on s'attape comme Goku. J'ai faim comme beaucoup, je les frappe comme Goku. Y'a pas qu'avec un micro que je peux t'intimider. Roubaix Marseille, on s'est compris sur plein d'idées. Dans le Nord, on s'en sort en volant des méga sport. Les petits montent l'échelle jusqu'à la sortie. Dans le port, les amis, tu les verras dans le pire. On allait dans la forêt pour s'améliorer dans le tir. Le manque d'argent crie des timbrés, des dérangés qui peuvent se planquer sur un arbre pour se venger. Je sais pas si je regrette les kilos que j'ai mélangés. Je sais pas si je regrette les kilos que j'ai mélangés. Amnésie à cause de l'amnèse. J'ai pas besoin de me justifier devant ces reines. Enfin, un raid m'a pas un terme. Je vais revenir avec un album, ça va faire mal. Que dans des salades, on nous marmelle. On dort mal et c'est normal. Les barques se croient dans Marvel. Mal embarqué depuis qu'on est morveux. Y'a peu de bandits qui sont morts vieux. Pour me ralentir, faut allumer les pneus. Quand je vais revenir, faut pas appeler les bleus. Il me faut du liquide pour combler les creux. Le bien, le mal, souvent on fait les deux. Ouais, le chien, on vient des tours sales avec des paraboles. Sauf que moi, il me faut un parapluie et toi, un parasol. J'ai senti l'audi ce soir. J'ai fait mon tour dans la ville. J'ai fait des TP dans le froid. J'ai fait cavaler les civils. Pensant j'ai de rester moi-même. Malgré les salopes et les montants, je me lève, je suis en pétard devant ma tête. Je me lève en pétard, je roule un pétard. Me chauffez pas, je vais sortir un album des nerfs. Et si tu trahis, tu finis dans un container. Ça veut se venger sur le scooter volé après deux verres. Un 3 ça règle ses comptes à l'arme de guerre. Dans le sud, y'a plus de limites. Les flics on évite et les PDH on les nique. Les petits traînent dans le quartier et c'est les grands qui imitent. Pour une mauvaise parole, ça pose la guitare sur la vitre. Chut. Je fais le signe comme Mounaï Harit. Jamais je m'arrête, jamais je m'agrippe. Localage, pop, pop, pop, pop, L-O-P-N-I D-P-T-N-E, 5-9-1-3. Anti-fou, anti-N-E. Je me monte pas, le buzz je m'en tape. Je dis vrai, je mens pas. Je connais la mentale, ça m'écoute même en tol. De 24, je suis dans le tel. Les focus, je les remballe. Pas de visio qui a montel. Pas de pute qui a montel. Là, je vais à la montagne. Ton pas win à la nerf. Ils font les mecs qui sont pas montagne. On arrache le mic et on taille. On sourit quand on paye. Et c'est rare qu'on change de pays. Après c'est que des gens jaloux, bon c'est pas ma faute. Je leur donne ce que je peux, ils veulent ce que j'ai, c'est pas ma faute. Je la regarde même pas si je sais que c'est la femme à l'autre. Si je traîne pas, c'est que je veux pas comme catalogue. Personne me piste quand je roule en kangou. Tu m'as pris pour un minot, question et tu me cambou. Toi tu parles pas avec le cœur, toi tu parles en sous. Dans l'équipe je suis numéro 10, tu vois pas je suis dans le tout. Connexion avec ZKR. On fume pour oublier cette galère. Je pensais à nous, ils pensaient qu'à eux. Malgré tout ça, ces bâtards, je suis sûr qu'ils me souhaitent la fin de carrière. Je fais un bichu carré, demande à Karim. La bombe il vient de sortir, y'a déjà de la moula qui arrive. J'ai senti l'audi ce soir. Tu fais mon tour.